Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Na na na na na na na na. Oh my god. Yeah. Yeah. Quand elle est passée devant mes yeux, c'était maintenant ou jamais, jamais. Nos regards se sont croisés, j'en profite pour lui parler, parler. Où tu vas, t'as l'air pressé. Elle me dit je veux rejoindre mon mec. J'ai pas su lâcher l'affaire. Nah. C'est pas bien ce qu'on fait, je sais, je sais. Mais qui tente rien n'a rien. Le feeling est passé, je te vois sourire. À la tentation t'as cédé. J'ai ma conscience qui me retient, mais mon instinct me soutient. T'es joueuse, moi aussi. Ce petit genou, ça sera notre petit secret. Ça sera notre petit secret. Plus tard, elle m'a rappelé. Elle veut qu'on se voit ce week-end, week-end. Elle a toutes mes photos sur Insta. Entre elle et lui, relation instable, instable. Je l'ai vu, tout se passe comme prévu. Quand il appelle, elle ignore. Yeah. C'est pas bien ce qu'on fait, je sais, je sais. Mais qui tente rien, n'a rien. Le feeling est passé, je te vois sourire. À la tentation, t'as cédé. J'ai ma conscience qui me retient. Mais mon instinct me soutient. T'es joueuse, moi aussi. Ce petit genou, ça sera notre petit secret. Ça sera notre petit secret. Oui, ce jeu est dangereux. J'ai pas su me retenir. Oui, ce jeu est dangereux. J'ai pas su me retenir. Oui, ce jeu est dangereux. J'ai pas su me retenir. Oui, ce jeu est dangereux, j'ai pas su me retenir. Oui, ce jeu est dangereux, j'ai pas su me retenir. Oui, ce jeu est dangereux, j'ai pas su me retenir. J'ai ma conscience qui me retient, mais mon instinct me soutient. T'es joueuse, moi aussi. Ce petit genou, ça sera notre petit secret.